Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, dans une chaise longue, à la pêche à pied, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Artistes à l'œuvre, une série documentaire de Stéphane Bonnefoy réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a des clichés. Michel-Ange, constellé de taches de couleur et furieux sous la voûte de la chapelle Sixtine. Mais au-delà des images, il y a des choix. Des vies quotidiennes, des rituels ou pas, des plasticiens en devenir, un marché de l'art et le pas de côté qui fait l'artiste. Alors pour commencer, les personnages. Une artiste qui s'injecte du sang de cheval, un autre qui dessine au réveil, un peintre qui écoute la radio, un ancien des arts appliqués, un autre qui joue avec les mots et un vidéaste à l'autre bout du tunnel. Ensuite, le décor, des ateliers, des cadres, des caméras, des boucles sonores, des machines, des chevalets, des stylos, des feutres, des crayons, la campagne par la fenêtre, l'idée et le support. Aujourd'hui, premier épisode, on sort une feuille blanche. Qu'est-ce qui nous fait tenir ? Tu vois, moi, c'est ça qui m'épate. Alors, je sais pas si tu sais, mais moi, j'étais très ami de Chris Marker. Chris, il a, comme nous tous, il a vieilli. Mais à un moment donné, je lui ai dit, comme on dit à un ami, écoute, franchement, t'es seul, t'es pas en bonne santé, pourquoi est-ce que tu vis, quoi ? En gros, pourquoi ne pas s'arrêter ? Qui est une question qu'on peut se poser, légitimement. Mais il a réfléchi un peu, il m'a dit, bah tu sais, moi je vois la vie un peu comme une série télé. Je veux voir le prochain épisode. Et j'aime bien ça. Et en fait, tous les matins, je me lève à pas d'heure, entre 3h et 5h, et je fais un dessin. Donc tu vois, là, il y a un personnage. Comment décrire ? Est-ce que c'est bien de décrire à la radio ? Oui, c'est pas mal. Tu vois, regarde. Et ça sort tout seul. C'est-à-dire que c'est vraiment pas prémédité. Et c'est pour ça que j'appelle ça le dessin du jour avec un E, comme le dessin. Alors, il y a un personnage un peu à l'agonie qui essaie de saisir en l'air quelque chose. Il est plutôt bleu. Et puis, il y a un autre personnage qui dit « Ouais, c'est top !» Comme quoi, même l'angoisse, ça peut être top. Et ce personnage essaie de s'appuyer sur le vide qui est en lui. Mais donc, en quelques minutes, ma journée est gagnée. Parce que j'estime que c'est une belle victoire, déjà, d'avoir réussi à m'auto-créer une petite surprise. Donc ça, c'est ma pratique du dessin du jour. Et j'ai une chaise qui grince, ce qui est parfaitement radiophonique, tu vois. Comme ça, on est tous sur cette espèce de bateau qu'est la vie. Il faut espérer que ça ne se transforme pas en galère. Six artistes à l'œuvre, une présence au monde. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck. Et moi, au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois, si je n'ai pas inventé quelque chose, ou avoir eu l'illusion d'inventer quelque chose, je ne peux même pas me demander ce que je fais là. Je ne suis pas là. Je suis rien. Gérard Fromanger. J'ai une nécessité à extraire de moi-même quelque chose qui me donne l'illusion que j'ai rajouté un petit caillou blanc à ce qui est. Voilà. C'est très important. C'est très important. Sinon, je suis foutu. Quand je dis je suis plus rien, ça veut dire que je me sens vide de sens. Ah, je n'ai pas d'autre explication. Je me sens rien. Et alors là, c'est très angoissant. Au bout d'un moment, je dis, mais alors c'est fini, j'aurai plus d'idées, j'ai plus rien à dire, tout ça ne sert à rien. Et tout. Parce que le passé, c'est très bien, on prend le relais du passé, mais l'avenir, c'est toujours l'increvable espoir. Mais le présent qui est inéluctablement à vivre, voilà. Donc il faut le vivre. Dans la nécessité pour moi de faire quelque chose. C'est comme ça que je me présente aux autres. C'est pas bonjour, au revoir, ça va bien. c'est ma peinture, ce que je fais, ce que je fais. Être à la hauteur de l'énergie du monde, c'est pas mal. Avec des petites choses, mais... Je pense qu'un artiste est une éponge qui passe son temps, peut-être avec une émotivité... Marion Lavalgenté. Assez aiguë, à percevoir et à absorber des choses qui l'inquiètent énormément dans cette société ou qui le fascinent dans les deux sens, et à les rendre après les avoir réfléchis. Et quand je dis réfléchis, c'est une réflexion qui peut être aussi bien visuelle, au sens sensible, une réflexion, une image dans un miroir, qu'une réflexion intellectuelle. Je pense que les deux ont lieu dans l'art, en fin de compte. Et donc, il y a un côté qui est peut-être plus de l'ordre de l'inconscient et un autre du conscient. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui touche au sensible et qui interroge véritablement sa propre perception émotionnelle qui est souvent très aiguë. Moi, je sais que finalement, une des grandes raisons pour lesquelles j'ai fait de l'art, c'est une hyper-émotivité très claire qu'il fallait que j'arrive à gérer. Et il se trouve que l'artiste est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup absorber, puis se mettre en retrait. Et dans ce retrait, il va rêver, réfléchir et produire. J'ai trouvé ça comme un très bon moyen de gérer cette émotivité. Je pense que c'est une drogue. Ramucho Mata. Je pense que c'est une molécule qui est en nous, on se dit, waouh, là c'est bon, ça fait du bien. Mais ça passe par ce risque que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que la question de la tâche, elle est précieuse pour moi. Parce que la question de la tâche, c'est vraiment, je passe d'une tâche à l'autre, et je ne sais pas laquelle choisir, mais à un moment donné, il y en a une qui va s'arrêter, qui va me dire quelque chose, et peut-être que cette tâche, ben voilà, celle-là est pas mal, cette tâche, elle va me dire... que surtout, vous voyez, le problème du feutre, c'est que il n'y arrive pas là, il a du mal. Donc c'est presque comme si, vous voyez, alors qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye d'attraper, et en fait, il réussit à attraper l'insaisissable, c'est-à-dire cette forme, cette couleur autre, mais il arrive à le faire sans tête. Oh, vous n'avez pas peur de la toile blanche? Non, parce que c'est pas du tout le problème. Elle est pas blanche, la toile, elle est noire. Oh bon, elle est noire? Et oui, elle est noire de tout ce que les autres ont fait et de ce que moi-même j'ai déjà fait. Et alors le problème, c'est pas de la remplir, c'est de la blanchir, puisqu'elle est noire de tout ce que les autres ont fait. Alors d'abord, faut le connaître déjà. Il faut qu'on sente dans ce que vous allez faire de nouveau, que vous connaissez bien. Ce qu'il y a eu avant, faut qu'on sente. Ça se sent tout de suite. Donc, nettoyer, balayer, dégager le dégagisme de la toile, ça existe. Faut que j'efface ce que j'ai déjà fait, ce que les autres ont fait. La mission, c'est essayer de se débarrasser du filtre de la logique, de notre façon de penser, qu'il faudrait que ça ait un sens. Qui fait une gymnastique de l'esprit aujourd'hui? Qui s'accorde? Il y a des gens qui réfléchissent. Réfléchir, c'est une chose. C'est encore trouver une effet, faire une addition. Mais penser, c'est autre chose. Et je pense que l'art permet de penser les choses par un autre prisme, qui n'est pas celui de la logique, de la rationalité, de la philosophie. Nous entraîner dans des territoires autres. Donner à chacun l'opportunité de passer un moment face à quelque chose qui les touche, et de leur donner de l'attention, du doucement, de se dire, tiens, ce dessin, de quoi il parle? Et pourquoi cette phrase? Pourquoi cette phrase? Cette phrase, ça vient de la question du titre qu'on va donner à une œuvre, qui va modifier le sens de l'œuvre, mais le sens dans le sens direction, pas dans le sens explication. L'œuvre, elle est œuvre, comme l'amour est amour, c'est aussi un bout de papier... assez banal, avec juste des pigments, c'est ça aussi. C'est aussi un poème. C'est aussi un instant. C'est un temps de grâce où ça passe à travers. C'est aussi 250 euros, ou 500, ou 2000. C'est aussi tout ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est peindre, sculpter, ça peut être faire des collages, des objets, etc. Le génie, de l'expression inventée, je ne sais pas par qui, de art contemporain, permet de reléguer la peinture, en quelque sorte, à une des disciplines de l'art contemporain. Une des disciplines. Il y aura la peinture, les environnements, les vidéos, l'art relationnel, le body art, l'op art, tout ce que vous voulez. Et la peinture, voilà, et la peinture. Ça n'est plus la peinture et le reste. Donc, on devient modeste avec la peinture. On n'est plus le meilleur, le plus grand, le plus... C'est fini tout ça. On est, voilà, il y en a qui font des tas de charbon, des bouts de ficelle, des poutres, des odeurs, de la graisse, etc., etc. Ben moi, je fais de la peinture. Surtout, je fais aussi d'autres choses, mais surtout de la peinture. Parce que c'est ce qui est le plus difficile. Voilà, c'est ça. C'est très difficile, la peinture. C'est une technique très difficile, d'une part. Puis ensuite, l'invention en peinture, après 8 siècles d'exercice par des centaines de milliers d'artistes, c'est pas facile. C'est un long travail de culture, de connaissances, puis il faut les oublier, puis après ça, faut comme je disais tout à l'heure, amener son petit caillou blanc, c'est pas facile. Mais c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, parce que, ouais, au fond, peindre, pour moi, c'est faire la chose que personne d'autre peut faire, que je suis seul à pouvoir faire. À peinture, il n'y en a pas plein qui peuvent le faire. C'est un long travail, c'est une longue assaise, c'est une longue discipline, c'est une longue solitude. Alors, c'est passionnel, hein, c'est pas ennuyeux, c'est pas... Vous savez, quand on travaille, on pense qu'on travaille, disons, sur une idée. Gérard Titus Carmel. Et qu'elle va se développer dans le temps, je dirais pas harmonieusement, sans à-coups. Alors j'aime assez construire les choses en série en pensant déjà le nombre. Alors, les peintures qu'on a devant les yeux là, ce sont comme une sorte de pas de mosaïque, mais une sorte de rapiéçage permanent ou une sorte de ravaudage permanent de chacun des fragments. C'est comme si la peinture, au départ, elle était seule. Elle se pavanait, étant sûre de son fait. Et puis, il y a un endroit qui est moins bien, qui est pas satisfaisant, qu'il s'agit de reprendre. Or, en le reprenant, je borde la partie fautive. Et alors, l'abordant, d'une certaine manière, je la prive de ce qu'elle aurait pu être si elle-même occupait tout l'espace. Donc la partie qu'elle recouvre, d'une part, elle l'offusque ce qu'elle recouvre, et elle se présente déjà comme un morceau, comme un fragment de ce qu'elle est, alors que certainement elle aurait voulu plus. Mais pour peu que posant telle pièce ici, de seul coup, ça déséquilibre l'ensemble, ce qui fait que je mets une autre pièce ailleurs. Et l'ensemble de ces pièces se répondent, mais de telle manière que l'organisation générale du tableau demande d'être revue. Ce qui fait que c'est une sorte de combat permanent pour venir de fragment en fragment, chacun persuadé que c'est à lui que revient la responsabilité de l'ensemble, mais chacun ramené à son fragment. C'est-à-dire, dans un geste de peintre qui part avant et qui finit après, il est privé de ce passé, il est privé de son histoire. D'un seul coup, il privilégie telle partie du geste qui vient lui-même comme une sorte de bribe. Et c'est cette bribe, c'est-à-dire le sort que chacun de ces fragments connaît, qui s'assemble dans un sort commun, qui est de dire, entendons-nous, dans nos ruines respectives, à faire ce qu'on pourrait appeler un tableau. C'est une façon de partager le temps. Alors, j'étais dans les montagnes népalaises. Et je m'arrête devant une petite échoppe, après avoir marché pendant des journées. Et il y avait là comment s'appellent les tableaux où on voit Bouddha et tous les esprits, ça a un nom, j'ai oublié lequel c'était, c'est l'âge. Et il y a un tout petit bonhomme qui vient vers moi, vraiment genre le chef des Jedi, comment il s'appelle, Maître Yoda. Un tout petit Tibétain qui vient vers moi, qui me dit en anglais, souhaiteriez-vous voir comment on fait ces tableaux? Et moi je dis oui. Alors il m'emmène chez lui. Alors on marche dans les petites ruelles, on monte dans un truc, il n'y a pas de porte au Népal, donc il n'y a que des rideaux. Je rentre, il s'assoit à sa table de travail, et il va tournicoter avec ses doigts ses cheveux. Après, il va avec un couteau couper une mèche. Après, de cette petite mèche de cheveux, qui doit mesurer environ 1,5 cm, il va extraire un cheveu et faire un nœud autour des autres. Déjà, vous pouvez essayer ça. C'est déjà un challenge. Après, il m'a montré qu'il met son petit pinceau, donc ses cheveux, dans un peu de peinture. Il réfléchit et chaque trait va durer le temps de son expiration. C'est-à-dire que la tête, un œil, un autre œil. Et chaque expiration doit avoir une pensée. Et pour eux, la personne qui regarde va ressentir la pensée de l'artiste. Donc on revient à la question de l'intention. Oui, c'est un temps. C'est un temps extrêmement précieux qu'on donne en partage à l'autre. Et on sait que ce rapport à la peinture, plus on va prendre le temps de regarder une œuvre, plus on va rentrer, et ça va rentrer en nous, pas d'une façon intellectuelle, mais dans une façon physiologique. Et celle-ci, c'était un labyrinthe. Mais un labyrinthe sur lequel j'avais passé des semaines. Donc ça veut dire très nourri, largement de quoi se perdre, et même de se trouver. J'avais lu beaucoup de textes sur le labyrinthe, sur le dédale, etc. Et ça vraiment était pour être sur mon coup. Et finalement, pensant que le dispositif architectural ou spatial était tellement mis en place, il n'y avait plus rien, j'avais plus qu'à me préoccuper de la peinture. Donc je peignais, et je peignais, et je peignais. Et plus je peignais, moins je voyais où était le centre, effectivement, et du projet, et du dédale ou du labyrinthe. Alors d'abord, ça m'apporte du calme, parce que je dois dire que je trouve le monde extrêmement dur, rapide, brutal, anthropique, de plus en plus complexe. Enfin, il faut quand même y trouver sa place. Et le temps assez long, finalement, de génération d'une œuvre, permet de calmer cette temporalité un peu hystérique dans laquelle on vit. Donc ça m'apporte beaucoup sur ce plan-là. Ensuite, ça m'apporte des connaissances qui me permettent peut-être de relativiser quelque chose. Parce que c'est vrai que quand le monde est violent, la relativisation est nécessaire. Et elle est nécessaire aussi bien au niveau de la connaissance. On dit toujours que finalement, savoir que la Corse sera aussi haute que le Tibet dans quelques millions d'années, finalement, relativise l'importance de la vie sur Terre. Mais bon, il faut quand même vivre les quelques millions d'années qui nous séparent de ce point. Finalement, la production artistique, elle nous permet de prendre une distance avec notre émotion. Et l'émotion est pas toujours bonne conseillère, c'est-à-dire qu'elle a besoin, elle aussi, d'être mise à distance. Parce que une fois qu'on a compris ce qui, en soi, crée le trouble, on peut finalement mieux le maîtriser et peut-être agir. Donc pour moi, je prends vraiment l'art comme un vecteur d'action, quelque chose qui me permet d'avoir cette manière de digérer le quotidien qui peut être assez troublant. Et par là même, j'imagine que ça peut permettre à certains de le faire. Au début, j'étais assez pessimiste et inquiète, et je me disais, ça va intéresser personne, tout ce qu'on fabrique, et on aura peut-être un certain nombre de gens qui seront dans la compréhension, mais au mieux, qui penseront que c'est simplement intellectuel. Et puis, je me suis rendu compte, en particulier avec les très jeunes générations, que il y avait vraiment des gens que ça avait pu aider d'une manière ou d'une autre, un peu comme moi, ça m'avait aidé de produire. Donc finalement, cet art n'était pas complètement gratuit. Moi, quand je fais des cauchemars, le matin, j'arrive à l'atelier, je suis incapable de rien faire. Ça agit directement. Donc, il y a une action directe des rêves sur la vie. Donc, je pense que l'art aussi a une fonction d'apaisement, de lien aussi, entre la vie réelle et la vie rêvée. Et ça, c'est toujours une vraie interrogation. Les rêves sont une vraie interrogation. Jean Davio. En plus, rêver, c'est ananasique. On lit les deux sens. Il y a le mot Ève qui est central. Je pense que l'homme vide ses rêves. Rêve, l'émotion. En fait, l'idée, c'est que le mot, donc, je le dis à l'endroit. On le passe à l'envers dans un casque et je dis ce que j'entends, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de signifié, c'est-à-dire que c'est vraiment le son du mot que je transmets, que je redis, et cet envers, je le remets à l'envers. Et alors ce qui est étonnant, c'est que l'envers de l'envers du mot, c'est pas l'endroit. Il y a une déformation. Et donc ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui déforme dans cette pirouette du langage. Donc c'est aussi l'espace du rêve pour moi. Ce qui est étonnant, si on met le mot « envers » à l'envers, mais au sens alphabétique, c'est-à-dire qu'on lit l'envers à l'envers, ça fait « srevne ». C'est très joli, c'est le « srevne ». Et le « srevne » fait apparaître le mot « rêve ». Je pense que l'envers des mots, c'est le rêve. Voir. Voilà. Voir. voir. Donc ça c'est un accès, c'est un accès comme ça. L'envers de l'envers, c'est un chemin, une serrure, dire la clé des songes. C'est pas vraiment, oui, c'est une manière de d'entrevoir, d'apercevoir ces choses qui se passent, qui se vivent, que l'on vit dans l'inconscient. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'explorer. Le mien, surtout. Et évidemment, ça renvoie dans le sens d'une voix à la personne qui l'écoute, qui l'entend, dans le meilleur des cas. Par exemple, un matin, j'entends à la radio 30 à 40% de l'économie mondiale est aux mains des mafias. Oh ! Ah bon ? Puis, ça m'est confirmé par des bouquins et tout ça. La vache ! Ah bon ? Ah, alors ça m'a motivé parce que c'était nouveau. J'ai dit, ah bon, merde ! 30 à 40%. Je dis, alors, je comprends pourquoi on les arrête pas, parce que si on les arrête, il y a 2 milliards de chômeurs. Donc, on vit dans un monde mafieux, à 30 à 40%. Ah, je dis, oh, ça me branche. Bon, alors, comment peindre, comment trouver le langage pour exprimer ça? Et alors, comme c'est un polar, je me suis rappelé les livres de mon enfance, la série noire, avec sa couverture noire et jaune. Ah, et sa lettre très spéciale, tout ça. Je dis, ah, ça, c'est intéressant. Bon, donc, j'ai mon sujet. Bon. Oh, alors, là, j'ai un vrai polar. Ben, je vais prendre seulement le noir. Il faut être le plus simple possible. Et comme dit Van Gogh, il faut aller vite. Le monde moderne, c'est vite. Donner aux autres, et vite, il faut faire vite, il faut agir vite. Être à la hauteur de la... C'est ça. Alors... Bon, alors j'ai trouvé un nouveau système de faire les tableaux, série noire, je ne sais pas si vous avez vu. Et comme j'aime être dans ce monde, j'aime la vie, ben, j'aime aussi ce côté polar, voyou, gangster, terrible, corrompu, horrible. Ça fait partie de mon moi, ça fait partie de ce qui me construit. Alors, dans ce monde corrompu, noir et jaune, polar, criminel... Mon langage s'affine par la couleur, par le trait comme un peu comme des gravures, et par l'apport de la couleur qui va souligner certains aspects du noir et jaune pour dire alors qu'est-ce qui me plaît dans cette corruption? Elle est là autour, mais en même temps les feuilles de cet arbre bougent, ce nuage là-haut il bouge, c'est beau, le soleil se lève dans sa splendeur, c'est magnifique. Etc. Alors, hop, un petit coup de bleu sur le soleil. Pof, un petit coup de rouge sur les feuilles qui bougent. Pof, un petit chiffon par terre qui me touche. Je dis, tiens, puis même j'ai envie de foutre un coup de pied dedans vers le caniveau. Mais hop, je le vois. Qu'est-ce que je vois? Comment est-ce que je me sens dans cet univers corrompu? Voilà, alors petit à petit, j'ai le noir, j'ai le jaune, j'ai les traits très rapides, genre gravure, avec mon petit pinceau. J'ai les couleurs que je place ici et là. Et ça finit par me satisfaire pendant quelques mois avec un langage neuf d'un monde que je n'avais pas vu comme ça. Voilà, par exemple. J'ai fait pousser un mot à Marseille, c'était le mot « lien » et j'ai permuté le « u », ça fait « lieu ». Donc c'est le lieu du lien. Je pense que c'est ça en fait. L'art, c'est le lieu du lien. Moi, je suis ravi quand les personnes arrivent et dans les mots, puisque je fais pousser aussi des mots dans le paysage, des mots en herbe, que j'ai intitulé Verbe, V-H-E-R-B-E, l'herbe et le verbe. Et quand les gens vont dans les mots, dorment dans le mot, ça me plaît beaucoup. Il y a un lien direct. Donc, voilà. Moi, je suis très attentif à ce qu'il y a un dialogue, justement. Que ça dialogue, voilà. Même si la communication est impossible, le dialogue est nécessaire. Il y a une adresse dans mon travail. Ça s'adresse à quelqu'un. Je sais pas à qui, mais ça s'adresse à quelqu'un. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo que je vais vous montrer sur une personne qui s'adresse à la personne qui est en face et qu'évidemment il n'y a pas de communication possible. C'est une forme de, comment dire, de communication impossible. You. Yes, you. Do you hear me? Oh, you don't understand. Vous me voyez, vous m'entendez? Parlez-moi et dites quelque chose. chose. Le message est délivré. Vous êtes là. On te voit. Speak. Oui, je vous vois, vous êtes rouge avec un col blanc. Maurice Benayoun. Tout est dit. Le vrai message, évidemment, c'est probablement partiellement le médium ici. Mais c'est aussi le fait d'être en contact et d'avoir donné de la valeur au geste. On va bientôt se voir. Ah, je vous vois déjà. Vous me voyez déjà. Non, vous allez me voir droit devant vous, là. Donc voilà, les tableaux, toutes les images qui connectent un petit peu l'histoire de l'art et l'histoire de la culture des deux côtés de l'Atlantique, eh bien devenaient comme une matière à creuser, et avec un joystick, on pouvait s'approcher, creuser, essayer d'aller vers l'autre. Ginette ? Oui ? Je vais vers vous, là, d'accord ? D'accord, alors bouge pas ! Non, moi non, plus, toi non plus. Et donc, l'architecture du tunnel était en fait le résultat de l'expérience de recherche et de rencontre. Et on entendait la voix de l'autre, on allait vers l'autre. Et au bout de 5 jours, on voit enfin la vidéo de l'autre, l'image de l'autre qui apparaît dans le tunnel. Et l'autre nous voit aussi de la même manière. On est en 95. Donc voilà, bah, c'était au Centre Pompidou. On parlait des autoroutes de l'information à ce moment-là en disant « Oh, on va faire des gros tuyaux, on va passer plein d'informations, c'est formidable !» Et moi, je me posais la question de savoir, mais au fait, aux deux bouts de cette autoroute, aux deux extrémités de cette autoroute, qu'est-ce qui se passe ? Et si ces moyens de communication ne nous permettaient pas seulement d'aller plus vite, mais nous permettaient de dire ou de transmettre autre chose. Comment on crée une situation où cette autre chose se révèle. Alors, effectivement, il y a une chose qui est importante et qui réconfortait, je dirais, ou qui réconforte toujours ceux qui pratiquent des formes interactives, et je ne parle pas que des formes interactives, évidemment, c'est que le public semble y trouver son compte. Et ça, c'est une chose importante et relativement inhabituelle dans le champ de l'art contemporain, c'est que l'œuvre interactive n'existe pas sans son public. Donc, on veut le public. Grande différence entre une galerie vitrine, white cube, qui protège l'œuvre et qui essaye d'éviter que les gens rentrent sans avoir été invités, et une œuvre qui a besoin que les gens rentrent et rentrent en dialogue, de manière à faire émerger un peu son potentiel de réaction et donc son potentiel de signification. On avait l'impression, en parlant de perspective, qu'on était en train de réinventer ou d'inventer de nouvelles règles qui rejoignaient un peu les grandes préoccupations de l'histoire de l'art. La représentation de l'espace, la représentation du temps, la relation au spectateur, la position dans l'espace, la reprise ou non des symboles ou des symboliques antérieures, l'œuvre comme trait d'union entre deux personnes. Tout d'un coup, c'est plus l'œuvre qui est essentielle, c'est plutôt la relation qu'elle construit. Et c'est quelque chose d'autre qui pénètre totalement le quotidien, qui pénètre nos habitudes, que ce soit les anciennes ou les toutes nouvelles. Donc c'est aussi un art de l'expérience. Ah ben le regardeur, il est très important. S'il n'y a pas le regardeur, je ne sers à rien. C'était une très belle lettre de Van Gogh à sa sœur, où il dit « je veux servir ». Il dit ça, « je veux servir ». Alors il a essayé, il a un peu tout fait. Alors comme son père, il a été pasteur, il faisait chier tout le monde. Il était viré de partout. Écoute, Vincent, t'es sympa, t'as raison, aimez-vous les uns les autres, tout, c'est très bien, mais on n'a pas le temps, la vie est trop dure, tout ça, les ramasseurs de pommes de terre, les mineurs, tout ça, le borinage. Non, c'est pas pour nous, ça. Alors lui, il est là avec son désir de servir, et puis personne n'en veut. Alors finalement, il trouve des copains, un peintre, et bah, il étudie la peinture à Paris, à Londres, et devient peintre. Et il dit, enfin, je peux donner de la modernité, de moi-même, de la générosité. J'ai trouvé un moment pour donner le meilleur de moi-même et donner aux autres du bonheur, de la lumière, de la chaleur, du soleil, etc. Bon, bah, c'est un exemple, c'est une leçon, c'est une lecture de quelqu'un qui est toujours intéressante, qui est toujours d'actualité. Peindre et montrer une nécessité de participer au monde avec les autres. S'il n'y a pas les autres, ça ne m'intéresse pas. Le tableau n'existe pas, ça n'est plus qu'un bout de tissu avec de la couleur dessus. avec de la peinture dessus, c'est tout. Bon, oui, bon. Il naît magique, intercesseur, prescripteur, objet d'admiration ou de bonheur ou de satisfaction, de plénitude, d'empathie, etc. Que s'il est vu, évidemment. C'est un truisme de dire ça. Alors, il y a plein de raisons un peu égoïstes, égocentriques, c'est vrai. Mais il y a aussi davantage des raisons vitales. Montre ce que je ne vois, vois ce que je ne montre, dis ce que je n'entends, entends ce que je ne dis, discerne ce que je ne regarde, regarde ce que je ne discerne, perçois ce que je n'écoute, écoute ce que je ne perçois. Pense ce que je ne comprends, comprends ce que je ne pense. Bon, les gens connaissent beaucoup ce projet qu'on a fait sur la transfusion de sang de cheval. Marion, Laval-Janté. Beaucoup ont trouvé ça extrêmement étrange ou choquant. En fait, ça venait d'une question qui était d'abord, sommes-nous si différents des autres espèces que nous les traitons systématiquement si mal ? Et quand on sait scientifiquement à quel point nous sommes peu différents, ça nécessitait d'avoir un geste qui soit un geste radical dans lequel on marque cette espèce de fraternité avec l'animal. C'était faisable parce que justement la science avait rendu ce type de possibilité faisable. C'est-à-dire que si peut-être il y a 20 ans, j'avais voulu me transfuser du sang de cheval tel qu'étaient les connaissances en biologie, il y a eu des gens qui l'ont expérimenté, j'en serais possiblement morte. Mais maintenant qu'on arrivait à supprimer, disons, les éléments létals, j'avais des chances d'y survivre et ça devenait une expérience fascinante, pas seulement parce que c'était symboliquement fort, mais parce que j'allais vivre dans ma chair des réactions qui ne seraient pas humaines, en fin de compte, des réactions qui seraient animales. Et je retrouverais cette fraternité en conséquence. Donc derrière toute cette œuvre, il y a une dimension qui est plus finalement émotionnelle, utopique et symbolique que provocatrice. Alors c'est vrai que depuis l'art conceptuel, on a appris aussi qu'il y avait la beauté des idées, la beauté des transmissions, la beauté des évocations, ce qui est déjà ce qui se passe avec la peinture classique. On n'est pas dans un reniement de l'esthétique, on est simplement en train de la complexifier avec la réalité d'une société qui se complexifie de la technologie. On est simplement à l'image de ce que la société est en train de devenir. Et on ne peut pas dire qu'on soit complètement en adéquation avec cette réalité. Donc il faut qu'on sente que dans cette tentative, il y a aussi ce questionnement humaniste de « a-t-on le droit d'aller si loin ?» Mais finalement, on utilise tout autant l'aspect sensible des choses qu'une peinture classique. Moi, j'ai toujours développé des recherches en anthropologie, en biologie à côté, plus sur des dimensions thérapeutiques, parce que c'est vrai que je m'interrogeais beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde de spécialistes et que l'artiste a une particularité, c'est que c'est un généraliste qui, certes, produit quelque chose de très spécial, mais qui a tendance à balayer large et donc à avoir un regard plus horizontal que vertical. Et ce regard... Quand on aborde la science, fait qu'on ne va pas l'aborder comme un scientifique, on va l'aborder comme quelqu'un qui cherche à faire des ponts. Et ces pontages, moi je sais, pour avoir discuté avec beaucoup de scientifiques, que ça les surprend, quelquefois d'une manière positive, quelquefois ça les intrigue, parce qu'ils se rendent compte que on va lire des quantités d'autres choses que les articles qu'ils auraient lus parce que ces articles sont ceux de leur branche spécifique. Et quelquefois, il leur manque ces lectures. Et un artiste peut, tout simplement parce qu'il a fait cette espèce de balayage, apporter une optique complètement différente. Donc il ne faut pas croire que c'est un échange univoque. Pour beaucoup, le beau renvoie à des systèmes de référence qui seraient la beauté du corps humain, la beauté de la nature, la beauté des couleurs, des assemblages de couleurs, des compositions, etc. Et donc on renvoie à quelque chose qui serait de l'ordre de la perception. Maurice Benayoun. Maintenant, je crois à l'émotion esthétique. Il y a des œuvres ou des idées ou des concepts dont je me dis, c'est un vrai projet. Jérôme Lanier est un de ceux qui ont inventé la réalité virtuelle. C'est un musicien, un compositeur, donc les artistes sont très présents dans l'innovation. Et il a créé la première société qui commercialisait des casques de réalité virtuelle dans la fin des années 80. Et c'était les casques utilisés la NASA pour l'entraînement des astronautes. Et donc, il était confronté à une problématique simple. Comment imaginer la bibliothèque idéale? Et il s'est dit, le plus important, c'est quand même la préservation dans la durée, d'être sûr qu'on va retrouver les textes. Il a dit, le moyen de conserver un contenu informationnel le plus longtemps possible et qu'il soit inscrit de manière durable. Pour cela, il a pris le langage primitif de l'ADN et il dit, on prend un des êtres vivants qui a survécu à quelques millions d'années, à peu près à toutes les catastrophes, le cafard. Et il a donc proposé de coder l'ADN des cafards pour qu'ils véhiculent le contenu des bibliothèques. À partir de là, on peut imaginer que dans des millions d'années, on trouve un cafard, hop, on prend l'ADN, on commence à le décoder, on se dit « mais attends, ça a du sens, c'est en train de me dire quelque chose ». Et on retrouve la bibliothèque. Pour moi, là, il y a une émotion esthétique, c'est-à-dire que ce propos, cette façon de faire glisser le sens et les formes, réveille, m'aide à penser différemment le monde. Et ça, pour moi, donc pour revenir à la question du beau et plutôt ce que j'appelle l'émotion esthétique, il y a des projets, il y a des choses dont je me dis « waouh, ça me fait vibrer quelque part ». Moi, je pense qu'il y a une interaction entre le fait de faire Jean Daviau et les techniques. On peut pas. Je pense que les impressionnistes sont allés dehors parce qu'ils avaient des peintures en tube. Je pense que si moi j'arrive à projeter de la lumière sur mes toiles, c'est parce qu'il y a cette j'allais dire peinture numérique, cette photographie numérique, cette façon de digitaliser la lumière. Et c'est quand même pour moi, je trouve assez incroyable de pouvoir peindre avec la lumière, ce que je fais. Matisse disait la couleur, c'est de la lumière. Moi, j'ai dit, en fait, la lumière, ça devient de la couleur, puisque je projette de la lumière avec ces systèmes de sur la toile directement. Le fil de la peinture, c'est un fil infini, puisque chaque fois, on métabolise et on reproduit et on développe les techniques. Donc, c'est une gamme qui est infinie. C'est ça qui est enthousiasmant dans ces nouvelles technologies. Et par rapport à la peinture, je pense que quand on parlait de mort de la peinture, elle n'a jamais été aussi vivante. C'est ça qui est intéressant. La peinture n'a jamais été aussi vivante que quand elle était morte. Parce que justement, ce qu'on disait, c'est que notre génération, on arrive après le monochrome. Bon, c'est Klein, monochrome sublime. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc moi, ça m'a interpellé. C'est pour ça que je suis allé chercher sur les œuvres pariétales il y a 25 000 ans, 30 000 ans, pour voir ce qui se passe depuis. Et j'ai vu qu'en fait, l'histoire de l'art, elle est comme un ressort. Elle n'est ni linéaire dans une linéarité, ni circulaire dans un cercle qui se répéterait à l'infini. Non, elle est les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas peindre ce que disait Picasso comme peigné et courbé, ça c'est clair. Mais on revient sur des sujets qui sont un peu inhérents à l'histoire de l'art, qui le lien du désir, le lien de... Voilà, c'est des sujets qui sont traités jamais au même endroit, mais avec la même... souvent les mêmes intuitions, mais pas avec les mêmes techniques. Donc c'est pour ça que nous, on a un afflux de techniques colossal aujourd'hui. C'est exceptionnel. Franchement, je pense qu'on vit une époque exceptionnelle de ce point de vue-là. C'est une vraie... Je pense qu'il y a une renaissance qui va être liée à ça. La peinture, c'est le sang. Dans tous les... sens du mot. C'est-à-dire, ce qui est très curieux avec la peinture, Ramuccio Matta, c'est qu'à partir du moment où on touche la peinture, elle vient en vous et c'est votre sang qui parle. C'est un phénomène qui ne peut s'exprimer que par la peinture. C'est très curieux. Moi, je ne me considère pas peintre. On a l'habitude d'appeler un peintre celui qui va être capable de reproduire la nature. Moi, je suis capable de toucher ma nature. Et je crois que ça a un rapport au sacré. Et je crois que le filtre, et Walter Benjamin en a bien parlé de cette question-là, je crois que dans l'outil numérique, il peut rester des bribes qui va nous apporter l'étonnement ou la surprise par rapport au médium. Tiens, ça peut faire ça. Mais je n'ai pour l'instant pas été bouleversé, sauf à l'époque où j'étais dedans, et ce qui me bouleversait, c'était par rapport à l'innovation, et pas par rapport à l'essence. Et je crois que l'essence, c'est sans doute un rapport au sacré. Si on prend Marcel Duchamp, si on prend les médias qu'il a utilisés, les uns après les autres, tous très différents. Que ça soit le fait de choisir un objet déjà fabriqué et de le signer, ou que ça soit de s'approprier un objet déjà signé, ce qu'il a fait par la même occasion sûrement, que ça soit de représenter le mouvement dans la peinture, que ça soit de cultiver la poussière, que ça soit de faire des phénomènes optiques avec des sphères photoreliefs, que ça soit de faire des installations artistiques en mélangeant des objets de nature différente et en mettant un titre fantasque qui fasse fantasmer. On est bien face à quelqu'un, ou alors le maître étalon. Tout d'un coup, il parle de la science, de la précision. Et juste en laissant tomber un fil de 1 mètre, il définit une ligne qui est le mètre de référence. Donc si on prend le grand exemple qui nous est constamment resservi en matière d'art contemporain, la première chose qu'il ait faite, ou ce qu'il n'a cessé de faire, c'est de déplacer constamment le système de référence. Et constamment essayer de nouveaux médias, constamment vérifier que, eh bien, il était possible de dire quelque chose, ou de dire autre chose, ou d'interroger différemment le monde, en utilisant d'autres formes, et voilà, avec une grande liberté. Pour tout vous dire, on peut le voir d'ailleurs. Gérard Titus Carmel. Là ici, ça montait beaucoup plus haut, c'était ici, là c'était autre chose, là il y avait tout à fait un autre dessin. Et puis d'un seul coup, c'est dire, est-ce que je dois reprendre ce tableau et l'imaginer dans son entier, dans ce qu'il veut dire, dans ce qu'il veut être ou quoi? Ou est-ce que je peux m'acharner par exemple simplement sur une petite partie? Voilà. Peut-être j'ai une attitude d'artisan. Du travail bien fait. Je suis orfèvre, vous voyez. Quand j'étais à l'école, à l'école Boulle, j'étais dans un atelier d'orfèvrerie, précisément, qui s'appelait atelier de gravure sur vaisselle d'orfèvrerie, gravure sur bijoux et vaisselle d'orfèvrerie. Et alors, à l'époque, c'était 1958 à 1962, le professeur, on était comme dans les années 30. Il y avait des blouses grises, il y avait plein de crayons, des critériums, trucs comme ça. Tout le monde était aux ordres, on était comme des arpètes, enfin, on était des petits jeunes qui apprenons le métier avec ça. C'était 54 heures de cours par semaine avec des cours d'anatomie, d'architecture, de modelage, enfin tout, etc. Et ça durait 4 ans. Et il s'agissait d'avoir 14 de moyenne à la fin des 4 ans pour avoir le diplôme de l'école Boulle. Et si un jour vous avez fait un dessin d'analyse de style dans le style Régence avec votre feuille d'acanthe qui n'était pas très bien dans le sens du vent, vous aviez 6. Eh bien 6, c'était pas la peine de continuer parce que ça vous faisait empêcher d'avoir 14 au bout de 4 ans. C'était très très dur. Mais en même temps, cette autorité-là, avec la résistance du cuivre, par exemple, pour le travail du burin, ça me semblait aller l'amble. C'est-à-dire, effectivement, si le monde est dur comme ça, comme s'il est très très dur de faire une courbe au burin sur un cuivre qui est mal dépoli ou poli, ça va également avec l'autorité du professeur, avec la sévérité du professeur d'analyse de style qui vous met 6 parce que vous avez fait une feuille d'acanthe trop souple ou je ne sais trop quoi, et ça va avec la dureté du monde. Je suis d'accord, par exemple, avec la formule de Gérard Fromanger, Robert Filliou, à qui on demandait « qu'est-ce que l'art pour vous ?» et il avait répondu cette formule « l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». C'est une phrase formidable, mais terrible. Alors, moi, je suis d'accord. C'est vrai, il n'y a rien de plus intéressant que la vie. Et l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Mais il faut faire de l'art pour rendre la vie plus intéressante que l'art. Sinon, la phrase, elle est vide. Elle ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, parce que la vie est plus intéressante. Et dans l'époque actuelle de numérique, de numérisation et de virtuel de tout, je pense que faire de l'externet, par exemple, c'est plus juste, ce serait plus mon boulot à moi. Je dis pas plus juste, mais mon boulot à moi, ce serait plus d'être dans l'externet que dans l'internet. C'est-à-dire, je suis là pour dire, oui, la vie, c'est pas que du numérique. La vie, elle ne sera jamais numérique. Ou alors, c'est très dangereux. Faites attention. Et moi, je dis, mon boulot, avec des choses simples, des peintures simples, c'est de dire, attention, votre cœur, vos sentiments, votre morale, votre sexualité, vos amours, etc. C'est pas de l'internet, c'est pas du virtuel. Elle est où la machine désir, le moteur plaisir? Et aujourd'hui, c'est ça qui s'est un peu évaporé dans les réseaux, je pense. C'est-à-dire la question de la tristesse, la question de la solitude, la question de est-ce qu'on va se soumettre, est-ce qu'on va se battre, est-ce qu'on va lever la tête un jour et se tenir droit. Et qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui pour se tenir droit? On en a plusieurs. On a notre corps, qui est le temple. C'est-à-dire, sans notre corps, on n'est rien. Et le miracle de ce que peut produire notre corps. C'est-à-dire manger, dessiner, écouter, regarder. C'est quand même formidable. Le réel, comme on dit, voilà, c'est... On le mord, on le broie, on le touche, on le cogne, on se cogne, c'est ça le réel. C'est pas virtuel. On a un accident, on souffre, on est malade, on vous coupe un machin, tout ça. Eh bien, moi je suis là pour faire, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais j'en ai pas d'autres, des œuvres, mais la vie face à Internet. Ce qui rend la vie externet, réelle, plus intéressante que le virtuel, auquel il faut faire très attention, continuer à creuser, à faire, à montrer, à pratiquer le réel, aussi modeste soit-il, c'est, me semble-t-il, donner toujours une chance à la vie. Alors, tout ça parce que il y a un côté, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est mon sentiment. Il y a une idéologie, il y a un côté l'homme nouveau qui me dérange beaucoup, qui me fait peur. Quand je parle avec mes étudiants du fait que quand moi j'étais étudiante, il n'y avait pas Internet, ils sont effrayés. Et je leur dis, oui, mais vous allez voir que quand vous parlerez à vos étudiants plus tard et que vous leur direz qu'il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle développée comme elle le sera... ils ne comprendront pas. Et c'est vrai que je pense que derrière cette question d'intelligence artificielle, il y a un pas supplémentaire dans la question de la présence du vivant et de l'artificiel en coprésence, qui pose des questions majeures dans le futur, qui pose notamment la question, une question économique majeure, hein, qui va être finalement... Ceux qui détiendront les robots seront riches et une masse qui ne pourra plus travailler va être très pauvre. Cette situation, elle va nécessiter des trésors d'invention pour être gérée sur le plan social. Et donc, on va avoir besoin aussi des artistes. Jusqu'où allons-nous aller dans cette direction de la science et de la robotique dans nos vies? Est-ce que c'est souhaitable? Jusqu'à quel point? Bon, on n'a pas de réponse. Objectivement, on n'a pas de réponse. Ça reste... un questionnement assez prégnant chez nous et assez terrible. Donc oui, je ne sais pas à quel point l'intelligence artificielle va nous sauver. On a un ami philosophe avec lequel je travaille beaucoup, qui est Dominique Lestel, qui est parti fabriquer des programmes de philosophie pour des robots au Japon, de telle sorte qu'on puisse dialoguer philosophiquement avec un robot. Et ça l'intéresse beaucoup, mais en même temps, c'est vrai qu'il s'agit là d'un remplacement. Alors quand on parle du grand remplacement dans des milieux racistes épouvantables, on est très loin de la réalité. Le grand remplacement n'a rien à voir avec un homme qui prendrait la place d'un autre aujourd'hui. C'est quelque chose d'un tout autre ordre. Et je pense que ça vient plus vite qu'on ne l'a anticipé sur le plan humain. Donc il va forcément falloir que les artistes s'en occupent et s'en préoccupent parce que finalement, les artistes font aussi un travail de médiation émotionnelle et donc de prise de conscience auprès d'un public qui, s'il ne regardait pas cette production culturelle et artistique, serait finalement victimisé au sens où il tomberait des nus devant son éjection par un pouvoir installé. Donc je pense que c'est très important pour les gens d'avoir conscience de ça et de regarder l'art plutôt comme un vecteur d'aide que comme un vecteur d'élitisme. C'est pas du tout le propos. Pour nous, il y a véritablement une dimension politique qui est là pour que les gens perçoivent cette avant-garde. Parce qu'elle n'est pas encore complètement perceptible. Et en fait, quand on l'aperçoit à titre individuel, c'est souvent qu'il est trop tard. C'est qu'on est, par exemple, licencié parce qu'un robot fait mieux votre tâche que vous-même. Donc il faut avoir anticipé mentalement cette société. Je ne serai pas accordé, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Vous la connaissez celle-là ou pas? Chaque fois qu'une personne en rencontre une autre, il s'en crée une troisième. C'est elle qui décide. Un plus un égale trois. Et oui, c'est tac tac. Voilà. Donc c'est le 1 plus 1. C'est ça l'œuvre. L'œuvre, c'est le 1 plus 1. C'est le rapport de soi avec quelque chose qu'on ne connaît pas, une œuvre, mais avant tout le rapport de soi avec un autre. Que ce soit un ami, que ce soit une rencontre sur un quai de train, que ce soit un musicien avec qui on joue, un projet qu'on fait ensemble, c'est le 1 plus 1 qui est l'essence de la création, je pense. There's something that in French we call artistes à l'œuvre, une présence au monde. Avec les artistes Marion Lavaljanté, Gérard Fromanger, Ramucho Mata, Gérard Titus Carmel et Maurice Benayoun. Documentaliste Anne-Lise Signoret. Prise de son Yann Fressy. Mixage Alain Joubert. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Schmidt. Our doubt is our passion is our task. And the rest is the madness of our earth. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast pour devenir un artiste, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, deuxième épisode, à l'école des Beaux-Arts. Tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.